Pilar Rossini, Pamina Condotuni, Asubuza gazi changa. Allo, allo, Fade. Dunia talo, dunia tungo. Dunia talo, dunia tungo. Dunia tara tara. Quelle est la Russie? Quelle est la conduite? Si vous parlez de la Russie, la Russie, la Russie, yeah. dini shaitwani la tula upepo mwema upepe yao wakia miziki zimitao nini tama miziki ya shimaore